السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، auditeurs et auditrices qui nous suivez sur les radios Instagram et Telegram du Mejid al-Rahma de Brest. Marhaban bil Jamir. Et nous souhaitons également la bienvenue à nos frères et nos sœurs qui ont pris du temps pour rester après Tarawih, pour pouvoir s'instruire dans la religion de l'islam et pour pouvoir bénéficier d'un rappel du Idhnillahi Azza wa Jal. Et nous sommes donc toujours dans le fait d'aborder une nouvelle thématique chaque soir de Ramadan jusqu'à la complétion de ce mois. Qu'Allah nous accorde à tous une bonne fin. Jazakallah khair. Et donc la thématique de ce soir, ce sera Asbab l'inshirah al-sadr, c'est-à-dire les causes de l'épanouissement de la poitrine. Lorsque l'on parle de l'épanouissement de la poitrine, de l'élargissement de la poitrine, ceci est un terme arabe qui est difficile à transmettre en français. Il n'y a pas d'équivalent exact, c'est-à-dire inshirah al-sadr, mais ça renvoie à la sérénité, à la paisibilité du cœur, au bien-être, au sentiment de bonheur, de sentiment et de ressenti d'épanouissement. Et donc le fait d'avoir un épanouissement et une sensation de bien-être, d'avoir la sérénité du cœur, c'est quelque chose qui est requis et c'est un objectif grandiose. Et donc, inshallah al-sadr, ça va être la sérénité, l'apaisement, le fait que les soucis et les angoisses ne soient pas présentes et que la personne soit dans un état de bonheur et qu'il mène une bonne vie. Et Allah Azzawajal, à celui à qui il accorde cette grâce-là, lui a accordé une grâce énorme. Le fait de lui avoir permis de bénéficier de l'épanouissement, du bien-être et de la sérénité. Et alors Allah Azzawajal lui facilitera son affaire. Car quiconque à qui Allah accorde inshirah al-sadr, l'épanouissement de la poitrine, alors Allah lui facilitera la concrétisation de ce qui est relatif à ce qui est dans son intérêt, que cela soit concernant sa vie mondaine ou sa vie religieuse, ou dans la concrétisation de ses objectifs. Alors les adorations lui seront facilitées et les actes d'obéissance lui seront rendus aisés. Tandis qu'inversement, dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la poitrine est serrée, c'est-à-dire dans le cas où la personne n'est pas dans un épanouissement, il est dans un mal-être, alors beaucoup de ses intérêts ne seront pas concrétisés. Ils ne seront pas, ces gens qui sont affectés par ce genre de défauts, ne seront pas à même de pouvoir concrétiser les œuvres qu'ils veulent accomplir. Et ils n'auront pas l'engouement, la force et la dévotion leur permettant de concrétiser les œuvres du bien. Et ils passeront d'un souci à un autre, d'une angoisse à une autre. Et donc, le fait de bénéficier de l'élargissement de la poitrine ou de l'épanouissement de la poitrine, ça fait partie de ce qui aidera le plus le serviteur dans la concrétisation de ses objectifs et de la concrétisation de ce qui est dans son intérêt. Et nous avons un exemple à tirer lorsque nous consultons l'histoire du prophète et messager d'Allah, Kalimullah, alayhi salatu wasalam, Moussa, lorsque Allah l'a envoyé dans une mission importante, c'est-à-dire le fait de prêcher et d'appeler Pharaon à la droiture et à la rectitude. Qu'a-t-il dit lorsque lui a été déléguée cette tâche? Rabbi shrah li sadri. C'est-à-dire, ô Seigneur, élargis pour moi ma poitrine. Wa yassir li amri. Et facilite-moi dans ma tâche. Et cette grâce-là, qui est l'épanouissement de la poitrine, l'épanouissement et le bien-être qu'Allah accorde à qui il veut parmi ses serviteurs, Allah l'a accordé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous donc pas élargi ta poitrine? C'est-à-dire, ne t'avons-nous donc pas accordé le bien-être, le bonheur, la facilitation quant à l'adoration et la dévotion? Et donc, le fait de connaître le bonheur et l'épanouissement dans cette vie, c'est une mincha. C'est-à-dire, c'est une grâce et un don. Et c'est un don divin qu'Allah accorde à qui il veut. En effet, Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim, dans Shifa al-Alil, a dit: Fashrahu sadr min a'zami asbab al-huda. Donc, le fait d'avoir l'apaisement et l'épanouissement de la poitrine, ceci est des plus, parmi les plus grandes causes de la guidance. Watadiyyiquhu min asbab al-dalal. Et inversement, la restriction de la poitrine, le mal-être, le malheur qui est au niveau des émotions que l'être humain ressent, fait partie des plus grandes causes de l'égarement. كما أن شرحه من أجل النعم et tout comme l'épanouissement de la poitrine fait partie des plus grandioses et des plus nobles des grâces وتضييقه من أعظم النقم et le fait de d'être sujet à la restriction de la poitrine c'est-à-dire le fait de d'être dans un le contraire de l'épanouissement dans une forme de malheur alors ceci fait partie des plus sévères des punitions. Et on ne peut parvenir à la concrétisation de l'épanouissement de la poitrine sans donner de l'importance à cette religion et à la mise en pratique de ce qu'elle implique comme adoration. Et de ce fait, plus le serviteur sera diligent quant à sa droiture dans la religion, quant à sa dévotion religieuse, plus sa part d'épanouissement sera grande. Et donc, Allah Azzawajal a fait référence à cela comme étant une cause de guidance dans le Coran al-Karim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ Donc, quant à celui qu'Allah veut guider, يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Il lui élargit la poitrine quant à l'islam. وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُضِلَّهُ Et quant à celui qu'il souhaite ou qu'il désire égarer, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا Il fait que sa poitrine se resserre pour lui. Et Allah Azzawajal, dans un autre passage du Coran al-Karim, sachant que le passage précédemment mentionné est de Sourate al-An'am, a mentionné dans un autre passage de Sourate al-Zumar, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى النُّورِ مِنْ رَبِّهِ Et donc, quant à celui que, à qui Allah élargit la poitrine quant à l'islam, et alors il est sur une lumière procurée par son Seigneur. Et Ibn al-Qayyim, et soyez attentifs à cette faïda, dans Zad al-Ma'ad, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit « Anna hal al-abdi fi al-qabr ka hal al-qalbi fi al-sadr, na'iman wa azaba wa sijnan wa intiraqa. » C'est-à-dire que l'état dans lequel, ou dans la situation dans laquelle le serviteur sera dans sa tombe, est le même état que son cœur dans sa poitrine. C'est-à-dire que si durant ta vie, ton cœur est dans des délices, des bienfaits, l'épanouissement du cœur, dans un bon état, de par la foi, la piété, l'adoration, la dévotion, tu seras dans une bonne situation dans la tombe. Car plus tu seras dévoué à cette religion, plus ton cœur sera serein et apaisé de par cette religion, par sa pratique et la dévotion, plus ton état et ta situation dans la tombe sera bon. Mais inversement, si ton cœur n'était pas apaisé par l'islam, que tu n'étais pas dévoué à l'islam, que ton cœur donc était dans ta poitrine, mais dans une mauvaise situation quant à l'islam, alors ta situation dans la tombe sera également mauvaise. Et donc, inshirah al-sadr, l'épanouissement de la poitrine, a des signes clairs qui permettent de pouvoir distinguer le serviteur qui en est bénéficiaire. Et ceci se résume en trois aspects. Le fait que le serviteur soit préoccupé par le fait d'avoir de l'engouement quant à la demeure de l'au-delà, la demeure de l'éternité. Le fait qu'il se détourne et qu'il perde de l'intérêt quant à la demeure de la dunya, qui est une demeure qui est vouée à partir, c'est-à-dire qui est fermée, qui est éphémère. Le troisième, Le fait que la personne soit une personne qui se prépare pour la mort et ce qui suivra comme événement. Donc ça fait partie des signes. Et donc, قال العلامة ابن القيم رحمه الله dans son livre مفتاح دار السعادة dit وعلامة هذا انشراح الصدر لمنازل الإيمان. Le fait que la poitrine de l'être humain soit ouverte aux différentes stations de la foi. وانفساحه والطمأنينة القلب لأمر الله. Et le fait que le cœur soit apaisé quant à ce qui est relatif aux ordres d'Allah. وَالْإِنَابَةُ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ et qu'il soit constamment dans le fait de revenir à la mention d'Allah. وَمَحَبَّتُهُ et d'éprouver de l'amour à l'égard de son Seigneur. وَالْفَرَحْ بِلِقَائِهِ et qu'il soit réjoui à l'idée d'aller à la rencontre avec son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. وَتَجَافِي عَنِ الدَّارِ الْغُرُورِ كَمَا فِي الْأَثَرِ الْمَشْهُورِ et le fait que la personne soit ait un cœur qui est détourné de la demeure des leurs, c'est-à-dire de Al-Ghurur, cette demeure qui est une demeure trompeuse, Ad-Dunya. Kama fi l'athar al-mashhur, comme il est mentionné dans la narration qui est célèbre, Idha dakhala an-nur al-qalb, infasaha wa insharah, qui mentionne que lorsque le cœur, la lumière y rentre, la lumière de la foi y est rentrée, alors ce cœur s'ouvre et s'élargit. Qila wa ma alamatu dhalik. Et il fut posé une question concernant quel est le signe de cela, que la lumière de la foi est bel et bien rentrée dans le cœur de l'individu. قَالَ التَّجَافِي عَنِ الدَّارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةُ إِلَى الدَّارِ الْخُلُودِ وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ. C'est-à-dire que ceci se distingue. Le signe distinctif permettant de voir que le cœur a été bénéficiaire de la lumière de la part d'Allah, c'est le fait que le serviteur se détourne de cette demeure qui est trompeuse. Et qu'il est orienté vers la demeure qui est éternelle, et qu'il se prépare pour la mort avant que la mort ne survienne. Donc nous allons voir 10 causes permettant de bénéficier de l'épanouissement de la poitrine, de la sérénité, de la paisibilité de l'âme, et de l'apaisement du cœur. As-sabab al-awwal, tawhidullahi wa ikhlasu dinillah. L'unicité d'Allah et le fait de le vouer à un culte pur et exclusif. Donc, le fait de vouer un culte exclusif et pur à Allah Azza wa Jal fait partie des plus grands aspects qui est une cause de l'épanouissement de la poitrine. Et c'est l'objectif derrière la création de l'être humain et de l'humanité, des hommes et des djinns. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et dans sourate al-djinn, Allah Azza wa Jal a mentionné وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. C'est-à-dire que les mosquées ne sont vouées qu'à Allah, n'y invoquez donc personne avec Allah. Et Cheikh Hassan ibn Abdul Rahman Marzouk al-Banna, dans son explication de Thalathat al-Usul, avait dit « Wa anna al-masajid al-Illah ». Al-masajid, jam' al-masjid. C'est-à-dire que c'est le pluriel du mot « masjid ». Mais également, cet ordre-là est un ordre qui contient l'interdiction du fait d'invoquer autre qu'Allah dans les masajid. Mais également, c'est un verset qui implique l'interdiction de faire du shirk en adorant autre qu'Allah avec les membres avec lesquels on fait le sujoud. Naam. Ensuite, le verset de Surat Al-Bayyinah, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit « وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ » Et il ne leur fut ordonné cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et donc, plus la personne aura concrétisé son tawhid, c'est-à-dire plus sa concrétisation du tawhid augmente, sachant que la concrétisation du tawhid est de 2 degrés, manufacture. C'est-à-dire que la concrétisation du tawhid est de 2. La concrétisation du tawhid qui est wajiba, c'est-à-dire le fait de s'écarter de toute forme de shirk akbar et de shirk asrar, qui pourrait nous définir le shirk al-asrar. C'est la définition qui là. Chassad. Et qui pourra nous définir le shirk al-akbar? Je veux la définition selon dans le tawhid al-uluhiyya, je veux la définition qui est plus générale. Non. Parce qu'il revient au droit, il manque quelque chose. Taswiyatul bir. طيب تسويته غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه. أحسنت. Donc le fait que donner un associé à Allah, le shirk, dans sa définition générale, Cheikh Abd al-Razzaq avait expliqué que c'était donc le fait d'établir une tasouya, d'établir un égal à Allah dans ce qui est relatif à ses spécificités, c'est-à-dire ses asma wa sifat, et ou dans ce qui est relatif à ses droits, c'est-à-dire à l'ibada. Naam. Donc, « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Donc, il ne leur fait ordonner cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Donc, plus l'individu augmente dans sa concrétisation du tawhid, et plus il augmente dans l'importance qu'il accorde à ce sujet-là, plus il augmente dans le fait de bénéficier de l'inshirah al-sadr. Non. Et ceci augmente donc la paisibilité de son cœur, l'apaisement de son âme, et augmente également sa part de bonheur dans les deux demeures. قال ابن القيم رحمه الله dans زاد المعاد فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد. Donc la plus grande cause de l'épanouissement de la poitrine, c'est التوحيد. على حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح الصدر صاحبه. Donc en proportion de la perfection du tawhid de l'individu, de la force du tawhid de l'individu et de l'augmentation du tawhid de l'individu, en proportion de cela, dépendra ou en découlera l'épanouissement de la poitrine de l'individu en question. Il mentionna le verset de Surat Az-Zumar, le verset 22, dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Donc, quant à celui qui Allah élargit la poitrine à l'islam, alors il se trouve sur une lumière venant de son Seigneur. Et il mentionna le verset de Surat Al-An'am, le verset 125, dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ. Donc quant à celui à qui Allah a voulu la guidance, alors il lui élargit la poitrine quant à l'islam. Et quant à celui à qui Allah a voulu son égarement, et pour rappel, on avait mentionné que la guidance d'Allah est de par son fadl. L'égarement qu'Allah fait subir à son serviteur, c'est de par son adl. Comme l'a clarifié l'imam des Malikiyya, Ibn Abi Zayd al-Karawani, fi muqaddimatihi. Donc, yaj'al sadrahu dayyqan. Donc, il fait que sa poitrine se restreint. Et donc, Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim dit فَالْهُدَى وَالْتَوْحِيدِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ شَرْحِ الصَّدْرِ وَالشِّرْكِ وَالضَّلَالَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الدَّيْقِ الصَّدْرِ وَإِنْحِرَاجِهِ. Donc, en résumé, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, mentionne que la guidance et le tawhid font partie des plus grandes causes de l'épanouissement de la poitrine, tandis que le polythéisme et l'égarement font partie des plus grandes causes de la restriction de la poitrine. Et il mentionna une parole importante, une parole de Cheikh Abd al-Razzaq, « وَإِنَّمَا خُلِقَ الْقَلْبَ الَّذِي فِي صَدْرِ الْإِنسَانِ لِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَلِإِخْبَاتِ لَهِ فَإِذَا أُخْرِجَ عَنِ الْغَايَةِ التي خلق لأجلها اضطرب ودخل عليه من الهموم والغموم والمقدرات بحسب بعده عن توحيد الله وإخلاص الدين له. C'est des paroles qui sont profondes. En résumé, le sens de ce passage, c'est que le cœur de l'être humain a été créé pour le tawhid d'Allah et se soumettre et s'assujettir à ses ordres. Et donc, si le cœur se détourne de l'objectif pour lequel il a été créé, alors il en est perturbé. Et alors le cœur commence à être affecté par les différentes angoisses, tristesses et afflictions en proportion de son écartement du tawhid et de la concrétisation de la sincérité dans le culte vis-à-vis d'Allah. Donc plus tu t'écartes du tawhid, plus ton cœur s'écarte de son objectif par rapport auquel il a été créé, plus alors les tristesses, les angoisses et les afflictions et les émotions négatives les affectent. Et c'est que vous voyez que les gens qui sont les plus déprimés, les plus angoissés, les gens même qui souvent vont jusqu'à se suicider de par les émotions négatives qui les accablent, ce sont les gens les plus éloignés du tawhid en général. Non. السبب الثاني النور الذي يقذفه الله في قلب عبده. Donc le deuxième moyen parmi les causes de انشراح الصدر, c'est la lumière qu'Allah met dans le cœur du serviteur. Non. Donc c'est une lumière qu'Allah accorde de par sa grâce et de par sa miséricorde à qui il veut. Et la lumière ici, wa nurul iman, c'est la lumière de la foi. قال ابن القيم في زاد المعاد فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضياق السجن وأصعابه فنصيب العبد من شراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. Donc, cher l'islam, Ibn al-Qayyim explique que donc l'épanouissement de la poitrine, c'est ce qui va susciter la réjouissance du cœur. Et donc, si cette lumière est absente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas présente dans le cœur du serviteur, alors sa poitrine sera restreinte. Il éprouvera une pénibilité. Et donc, il sera comme s'il était dans une prison, et la plus pénible et la plus difficile à supporter. Et donc, la proportion de l'épanouissement de la poitrine du serviteur sera en proportion de la part de lumière qu'il aura obtenue de la part d'Allah. قال الحافظ ابن رجب فالقلب الذي دخله النور نور الإيمان وانشرح به وانفصح يسكن للحق ويطمئن به ويقبله وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله. Donc الحافظ ابن رجب dans son explication des 40 نووي جامع العلوم والحكم qui est l'explication de référence de l'Arba'un al-Nawawiyyah avait dit: Donc le cœur dans lequel la lumière de la foi est rentrée, donc c'est un cœur qui s'est ouvert, c'est un cœur qui s'est élargi. Et donc il est apaisé vis-à-vis de la vérité. Et il est apaisé, et il est ouvert et prompt à accepter la vérité. Et il l'accepte. Et il est prompt à s'écarter et à fuir toute forme de fausseté. Et il exècre le faux et ne l'accepte pas, c'est-à-dire il le rejette. Et donc, il convient au serviteur de convoiter, de bénéficier de cette lumière de la part d'Allah, d'une grande convoitise et d'un grand espoir vis-à-vis d'Allah Azzawajal, qu'afin qu'Allah lui accorde d'être de ceux qu'Allah honorera par le don de la lumière de la foi. En effet, dans Sourate Al-Hujurat, le verset 7 et 8, il est dit: Walakin Allah habbaba ilaykumul iman. Donc, on va voir ce verset morceau par morceau. Mais cependant, Allah vous a fait aimer la foi. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et l'a embelli dans vos cœurs. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ. Et a fait que vous avez détesté la mécréance. وَالْفُسُوقُ. Et la grande désobéissance. وَالْعِصْيَانُ. Et le péché. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Ceux qui bénéficieront de ces grâces d'Allah sont les bien guidés. فَضْلًا مِنَ اللَّهِ. Ceci est une grâce de la part d'Allah. وَنِعْمَهُ. Et c'est une grâce de sa part. Wallahu alimun hakim. Et Allah est savant de toutes choses et très sage. Donc, qu'est-ce qu'il convient de faire pour le serviteur qui veut bénéficier de l'épanouissement de la poitrine, qu'il implore de la part d'Allah, qu'il implore Allah afin qu'Allah revivifie la foi dans son cœur? En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté dans le Mustadrak à la Sahihain, et qui a été considéré comme étant sahih par Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, a abordé un aspect. Comme vous le savez, la foi, elle augmente et elle diminue. Donc elle est sujette à l'augmentation, et c'est la aqidah de Ahlus Sunnah. Et elle est sujette à la diminution, et c'est la aqidah de Ahlus Sunnah également, en contrevenance à la voix des Khawarij et des Mu'tazilites. Qui peut nous rappeler les cinq nouns, la définition de Ahlus Sunnah sur les cinq aspects qui réfutent les Murji'a, les Khawarij et les Mu'tazilites? Croyance avec le cœur, Non. parole avec la langue, acte avec les membres, elle augmente avec l'obéissance à Allah, elle diminue avec l'obéissance à Allah. Ahsant. Barakallahu fik. Donc on avait vu al-iman ou khamsu nunat. Qawlu bil lisan, parole de la langue, wa i'tiqadu bil janan, une croyance du cœur, wa amalun bil arkan, une action des membres, yazidu bi ta'ati ar-rahman, elle augmente par l'obéissance envers le tout miséricordieux, wa yanqusu bi ta'ati shaytan. Et donc, la personne doit avoir un fiqh concernant le fait de faire les causes pour œuvrer en conformité avec ce qui sera une cause de ziyadatu imani, concernant ce qui sera une cause d'augmentation de la foi dans son cœur, et également se prémunir et s'écarter de ce qui diminuera sa foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innal iman La yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb al-khaliq. Fas'alu Allah an yujaddida al-iman fi qulubikum. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit que la foi s'amenuise et diminue au sein de la poitrine de l'un d'entre vous à la manière d'un vêtement qui s'use. Donc demandez à Allah de revivifier votre foi. Donc il est important pour celui qui veut l'épanouissement de sa poitrine, le bien-être, le bonheur, qu'il demande à Allah de l'augmenter en foi et qu'il fasse les causes qui mènent à l'augmentation de la foi. Et soyez attentifs, car c'est une narration de l'imam At-Tusi que l'on va aborder morceau par morceau, parce qu'elle est un peu longue. Et j'aimerais essayer d'être le plus fidèle possible à ce passage-là. Il dit « فَبَدْءُ الْإِيمَانِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ » Donc, le fait que le serviteur ait la foi, c'est quelque chose qui, initialement, vient d'Allah. Et ce n'est pas toi qui obtiens la foi comme ça. C'est un don d'Allah. Donc, فَبَدْءُ الْإِيمَانِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ فَضْلٌ مِنْهُ. Donc, le don de la foi est un don qui émane d'Allah. Et c'est une grâce de sa part. وَرَحْمَةٌ Et c'est une miséricorde. وَمَنُّنْ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Et c'est un don qu'Allah octroie à qui il veut parmi ses serviteurs. فَيَقْذِفُ فِي قَلْبِهِ نُورًا يُنَوِّرُ بِهِ قَلْبَهِ Et donc Allah y met une lumière par laquelle Allah illumine le cœur de son serviteur. وَيَشْرَحُ بِهِ صَدْرًا Et donc par cette lumière-là introduite dans son cœur, sa poitrine s'en retrouve élargie, c'est-à-dire sa poitrine s'en retrouve épanouie. وَيَزِيدُ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانِ Et il augmente dans son cœur la foi. وَيُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ Et lui fait aimer la foi. فَإِذَا نَوَّرَ قَلْبَهِ Et donc si Allah illumine son cœur, وَزَيَّنَ فِيهِ الْإِيمَانِ Et il a fait que dans son cœur, il y a la conception de la foi comme étant embellie, c'est-à-dire que le cœur aime la foi. وَحَبَّبَهُ إِلَيْهِ Et donc il a fait que la foi est embellie pour le cœur, et que le cœur aime la foi. آمَنَ قَلْبُهُ بِاللَّهِ Alors le cœur se met à croire en Allah. وَمَلَائِكَتِهِ Et en ses anges. وَكُتُبِهِ Et en ses livres. وَرَسُولِهِ Et en ses messagers. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Et au jour dernier. وَبِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ Et dans le destin, dans tout ce qui est relatif et intrinsèque au destin, que ce soit ce qui est positif ou ce qui est négatif dans ce qui est dans le destin, dans le sens le bien et le mal qui est prédestiné. وَآمَنَ بِالْبَعْثِ Et alors le cœur se met à croire en la résurrection. وَالْحِسَابِ Et les jugements. وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ Et au paradis ou à l'enfer, حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرِ إِلَى ذَلِكَ D'une foi telle que c'est comme s'il observait ces choses. وَذَلِكَ مِنَ النُّورِ الَّذِي قَذَفَهُ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ Et ceci résulte de la lumière qu'Allah a mis dans son cœur. فَإِذَا آمَنَ قَلْبُهُ نَطَقَ لِسَانُهُ مُصَدِّقًا لِمَا آمَنَ بِهِ الْقَلْبِ Et donc lorsque le cœur a cru, alors le serviteur se met à prononcer avec sa langue ce qui est en concordance et ce qui corrobore et qui corrobore ce en quoi le cœur a cru. وَأَقَرَّ بِذَلِكَ وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ Et alors a prouvé de cela l'attestation du fait que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. وَأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَا الَّتِي آمَنَ بِهَا الْقَلْبِ فَهِيَ حَقٍ Et que ces choses dans lesquelles le cœur a cru sont bel et bien vraies. فَإِذَا آمَنَ الْقَلْبِ وَشَهِدَ اللِّسَانِ عَمِلَتَ الْجَوَارِحِ فَأَطَاعَتْ أَمْرَ اللَّهِ Donc si le cœur a cru, et que la langue a attesté, et que les membres du corps se sont mis à œuvrer et à obéir aux ordres d'Allah, وَعَمِلَتْ بِعَمَلِ الْإِيمَانِ Et qu'ils ont œuvré en conformité avec les actes de la foi, وَأَدَّتْ حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي فَرَائِدِهِ Et que les actes des membres, les membres se sont acquittés du droit d'Allah quant aux obligations. وَانْتَحَدْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ Et que les membres du corps se sont abstenus de ce qu'Allah avait rendu illicite, إِيمَانًا Faisant cela avec foi, وَتَصْدِيقًا Et considérant cela comme étant vérité, بِمَا فِي الْقَلْبِ Concernant, yani, et corroborant ce qu'il y a dans le cœur et qui a été prononcé par la langue, فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُؤْمِنًا Et donc, si la personne a agi de la sorte, alors il est du nombre des croyants. Allah. السبب الثالث تحصيل العلم النافع Donc le troisième moyen, la troisième cause d'inshirah al-sadr, le fait d'acquérir la science bénéfique. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, « Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq, yudhhirahu ala din kulli, wa law kariha al-mushrikun. » C'est-à-dire, il est celui qui a envoyé son messager, bidin al-huda. Al-huda, Cheikh Salah al-Fawzan avait dit, c'était l'ilm al-nafi'. Donc il est celui qu'Allah a envoyé avec la guidance, c'est-à-dire la science bénéfique. Wa din al-haq. Et la religion de vérité, ça c'est l'amal al-salih. Naam. Et comme on l'avait mentionné, l'ilm al-nafi', il y a un qasimu ila qismim. Man yubayin lana. Qui peut nous expliquer cela? Le fait qu'on avait vu que la science bénéfique se divise en deux. On avait vu le taqsid de l'Hafid ibn Rajab al-Hanbali dans Fadl al-Ilm al-Salaf ala Ilm al-Khalaf. La science bénéfique qui a été bénéfique aux serviteurs dans le sens où elle a été mise en pratique. Non. La science bénéfique qui n'a pas été mise en pratique. Donc elle est bénéfique en elle-même, mais elle n'est pas bénéfique à celui qui l'a acquise. Ahsant. Jazakallahu anna khaira. Donc la science, l'ilm al-nafi', le ilm umuman, de façon générale, le ilm se divise en deux. La science qui est bénéfique, la science qui ne l'est pas. Quelle science n'est jamais bénéfique? As-sihr. Maintenant, comme Al-Hafid ibn Rajab al-Hanbali l'a expliqué. Et concernant la science bénéfique, l'ilm al-nafi' se divise en deux. Le ilm al-nafi' qui est donc nafi' en lui-même, mais qui n'est pas bénéfique pour celui qui l'a acquis. C'est-à-dire celui qui apprend le ilm al-nafi' mais qui n'a pas mis en application ce qu'il devait appliquer, cette science est une science contre lui. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. Le Coran est une preuve en ta faveur ou en ta défaveur. طيب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. Donc, le blâme dans la charia est venu concernant celui qui connaît la vérité mais qui ne l'applique pas. Ensuite, il y a la science qui est bénéfique en elle-même et qui est bénéfique à celui qui l'a acquise. C'est celui qui aura œuvré en conformité avec ce qu'elle impliquait. Donc, la personne qui augmente dans l'acquisition du ilm nafi', qui est basé sur le livre d'Allah et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors plus il augmente dans la connaissance qu'il a, plus il augmente dans l'épanouissement de sa poitrine. Et également, plus sa rectitude de son affaire et de sa situation augmente. Et donc, dans l'acquisition du savoir, il y a une rif'a, une élévation. Allah Azza wa Jalla a mentionné « Yadfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » C'est-à-dire que Allah élèvera ceux qui parmi vous ont cru et ceux qui parmi vous ont reçu le savoir et les élèvera en degré. Là, il y a deux rif'a dans le verset. Il y a deux rif'a, deux élévations. La première, c'est « Rif'atu bil iman ». Cheikhuna Cheikh Salim, dans Mehriz, nous avait enseigné que la première élévation, c'est l'élévation par la foi. Le croyant est supérieur au kuffar. Donc, il a une première élévation. Mais parmi les mu'minines, alladhina utul ilm, ceux qui recevront le savoir de la part d'Allah, Allah les élèvera en degré. Donc, c'est une deuxième élévation. Non. Et donc, les gens qui étudient le ilm, les tullab al-ilm, sont dans des jardins, tels des jardins, sachant que la voie dans laquelle ils sont, est une voie qui mène au jardin du paradis. En effet, قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Que yani le prophète صلى الله عليه وسلم a dit quiconque emprunte un chemin par lequel il cherche à acquérir une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. On avait vu que Allah lui facilite le chemin vers le paradis de par deux voies. Lesquelles et lesquelles? Man yubayyin. Tafadhal. Le fait juste d'être sur le chemin, de leur choix de la science, Allah lui facilite le chemin, et le fait que justement de par cette science, il va leur octroyer le fait de mettre en pratique les offres qu'il aime. Donc le fait que, awwalan, donc yusabibu lahu sabilan ila janna bi amrin. La première, c'est que le fait d'être dans la quête du savoir, l'acquisition du savoir en soi, c'est une ibadah. Et la ibadah, l'adoration, c'est une voie parmi les voies qui mènent au paradis. Ensuite, deuxièmement, yusahilu lahu al-ibadat. Le fait qu'Allah va lui faciliter l'adoration. Et c'est pour ça qu'un des ulema avait donné une faïda nafissa. C'est-à-dire le fait que si tu veux jauger ton ikhlas dans la quête du savoir, Regarde où tu en es dans les œuvres. Est-ce que depuis que tu as appris, est-ce que tu as augmenté dans le ilm et dans le amal? Si tu as augmenté, c'est un signe que tu es mokhlis, inshallah. Et donc, la science bénéfique sera la cause de l'élargissement et de l'épanouissement de la poitrine par la connaissance d'Allah, la connaissance de ses noms, la connaissance de ses attributs, la connaissance de ses af'al, de ses actes, et la connaissance des grâces et des dons dont il a fait bénéficier ses serviteurs. Al-sababu le quatrième sabab. Al-inabatu ilallahi wa donc, le fait de revenir par la repentance vers Allah et d'avoir de l'engouement vis-à-vis de lui, c'est-à-dire de l'engouement quant à la dévotion vis-à-vis de lui, subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc le fait d'avoir de l'engouement, d'être motivé dans l'adoration et dans la dévotion vis-à-vis d'Allah, wa taladhdhu bi ibadatihi wa ta'atihi. Taladhdhu, c'est-à-dire la délectation. La délectation quant à l'accomplissement de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La délectation, c'est-à-dire quand tu prends du plaisir. Quand tu prends du plaisir, quand tu savoures la ibadah. Naam. Donc, car l'adoration, l'obéissance et l'apaisement des cœurs. Naam. Qala al-'allamah Ibn al-Qayyim, rahimahullah fi Zad al-Ma'ad, al-inabatu ila Allah wa mahabbatuhu bi kulli al-qalb wa al-iqbalu alayhi wa tana'umu bi 'ibadatihi fala shay'a ashrah li sadr al-'abd min dhalik hatta innahu la yaqul ahyanan إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. C'est-à-dire, Ibn al-Qayyim dit, الإنابة إلى الله, le fait de se tourner, de revenir vers Allah, ومحبته بكل القلب, et de l'aimer de tout son cœur, والإقبال عليه, et d'aller vers lui avec engouement et dévotion, وتنعم بعبادته, et de savourer, d'apprécier, de se délecter de son obéissance, de son adoration. Il n'y a rien qui est plus à même d'élargir la poitrine, c'est-à-dire de procurer l'épanouissement de la poitrine de l'individu que cela. Au point que d'un individu qui est dans cette situation-là pourrait dire, si je pourrais ressentir au paradis ce genre de délectation et de bien-être, alors c'est une bonne vie. Wa mithalu dhalik. Et également, c'est un exemple de cela, c'est-à-dire de la délectation dans l'adoration, la dévotion d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-salah. Dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouvait l'apaisement. Il éprouvait de la joie vis-à-vis de la prière. Au point qu'il disait, alayhi salatu wa sallam, en s'adressant à son compagnon Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, qum ya Bilal, Farihna bis-salah. C'est-à-dire, lève-toi, ya Bilal, yani afin que tu appelles la prière et apaise-nous par la prière. Et par le fait de faire l'appel à la prière pour qu'ensuite on fasse la prière. Car l'apaisement des cœurs se retrouvait dans la prière. Et donc, regardez la journée du musulman qui est fervent vis-à-vis d'Allah, comme la présente l'allamah Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Tariq al-Hijratain, dit, on va décomposer le athar, il y a ce passage qui est un peu long, morceau par morceau. Il est dit, wa huwa yu'addidu a'mal al-abrar. Donc en fait, il énumère les œuvres des pieux, des œuvres des gens qui sont pieux vis-à-vis d'Allah. Fa awwalu ma yastaqidu ahadukum min manamihi yasbiqu ila qalbihi al-qiyam ila al-wudu'i was-salah kama amarahu Allah. Donc il dit, la première chose qui vient à l'esprit du serviteur lorsqu'il vient de se réveiller, la première chose qui vient à son cœur, c'est le fait de se lever pour faire les ablutions et faire la prière comme Allah lui a ordonné. فَإِذَا أَدَّى الْفَرْضَ وَقْتِهِ اشْتَغَلَ بِتِلَوَاتِ وَالْأَذْكَارِ إِلَى حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسِ. Et donc, après qu'il se soit acquitté de l'adoration dans son temps, alors il se préoccupe par la lecture du Coran et les formules de rappel à l'adhkar jusqu'à ce que se lève le soleil. فَيَرْكَعُ الدُّحَى. Et ensuite, il fait la prière de Duha. ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. Puis après, il fait les causes, yani par rapport au din ou à la dunya, yani ses préoccupations, ses activités. فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى تطهره. Donc lorsque la prière de Zohr rentre, c'est-à-dire qu'il y a redevable de l'obligation de la prière de Zohr, alors il s'empresse de se purifier. et qui s'empressent pour avoir le premier rang min al masjid, au premier rang de la mosquée. Alors il s'acquitte de l'adoration de la prière obligatoire comme il lui a été ordonné. Mukammilan laha bi shara'itiha wa arkanha wa sunanha wa haqa'iqha al-batina. Concrétisant la perfection de la prière par le fait de se conformer bi shara'itiha, au pilier de la prière. Préparez-vous, il y a des questions qui arrivent. Donc bi shara'itiha, par le fait de respecter ses conditions, wa arkanha, ses piliers, wa sunanha, ses actes recommandés, et de concrétiser les aspects intrinsèques à la prière, c'est-à-dire min al-khushu', comme le fait d'avoir de l'humilité, de la concentration lors de l'accomplissement de la prière. Ou al-muraqaba. Man yubayyin lana ma hiya ma ma'na hadhihi al-ibara. Al-muraqaba, on l'a expliqué. Non. Ahsan. Jazakallah khairan. Non, muraqabatullah. Donc le fait d'avoir al-khushu' et d'avoir muraqabatullah. Le fait d'avoir à l'esprit qu'Allah t'observe pendant que tu pries. Wal-hudur bayna yaday ar-rabb. Et le fait que tu te rendes compte que tu te tiens devant ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Fayansarifu min as-salah wa qad atharat fi qalbihi wa badanihi wa sa'iri ahwalihi atharan tabdu 'ala safahatihi wa lisanihi wa jawarihi. Et donc le serviteur, après s'être acquitté de cette prière de la manière qui a été décrite, c'est-à-dire en respectant les conditions, les piliers, les sunan, avec concentration et à l'esprit qu'Allah l'observe et qu'il se tient devant Allah, donc lorsqu'il quitte cette prière, c'est-à-dire lorsqu'il a fini, cette prière a eu un impact sur son cœur, sur son corps, sur l'ensemble de ses états, de ses circonstances, des effets qui se voient sur son visage, des effets qui se manifestent sur sa langue, des effets qui se voient sur ses jawarihi, sur ses membres. وَيَجِلُ ثَمَارَتَهَا فِي قَلْبِهِ. Et il envoie les fruits dans son cœur. وَمِنَ الْإِنَابَةِ إِلَى الدَّارِ الْخُلُودِ. Comme effet que, ça, que la prière a accompli de cette manière-là sur son cœur, comme le fait que son cœur se focalise sur la demeure de l'éternité. وَتَجَافِ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ. Et qu'il se détourne de la demeure qui est un leurre, la demeure trompeuse, c'est-à-dire cette dunya. وَقِلَّتِ التَّكَلُّبِ وَالْحَرْصَ عَلَى الدُّنْيَا وَعَاجِلِهَا. Et le fait qu'il sera de ceux qui ne s'empressent pas et qui ne feront pas beaucoup d'efforts quant au fait d'obtenir ce bas monde et ce qui s'y trouve comme yani bienfait immédiat. قَدْ نَهَتْهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Et cette prière qui est accomplie de cette manière l'aide à s'écarter des turpitudes et des actes blâmables. وَحَبَّبَتْ إِلَيْهِ لِقَاءَ اللَّهِ. Et cette prière accomplie de cette manière a fait que le serviteur aime l'idée de rencontrer, d'aller à la rencontre de son Seigneur Azza wa Jal. وَنَفَرَتْهُ مِنْ كُلِّ قَاطِعٍ يَقْطَعُهُ عَنِ اللَّهِ. Et elle l'a poussé à s'écarter de toute chose qui l'écarterait et qui serait une entrave entre lui et Allah Azza wa Jal. On pourrait s'arrêter là, subhanallah. Allahu musta'an. طيب مراجعة سريعة يا مشايخ شروط الصلاة تفضلوا بسم الله كسا m'obligez pas à choisir. Je sais à qui j'ai donné les cours. Donc, m'obligez pas à désigner. Vous avez pas de عذر. سماحة الشيخ صالح الفوزان. On avait abordé cette faïda. Lorsqu'il avait abordé le ilm qui est wajib par rapport à la salah, c'est obligatoire de connaître شروط الصلاة أركان الصلاة واجبات الصلاة سنان الصلاة مبطلات الصلاة يا مشايخ تفضلوا. طيب شروط الصلاة تفضل. نعم. Donc les neuf ont été mentionnés. Donc à l'islam, le fait d'être musulman, à l'aql, le fait d'être de raison, à tamiz, l'âge de discernement, raf al-hadath, le fait de lever l'état d'impureté, ça s'envoie, il y a al-hadath al-akbar ou al-asghar, les grandes ablutions, les petites ablutions, izalatun najasa, le fait d'enlever la souillure. La souillure, on l'enlève de combien d'heures de support? Lesquels? Corps, vêtements, endroits. Ahsant. Donc on enlève la souillure du corps, du vêtement et du lieu de prière, le buqa, biman al-makan. Izalatun najasa, satr al-awra, le fait de couvrir sa nudité. Ensuite, dukhul al-waqt, l'entrée de l'heure, istiqbal al-qibla, an-niyya. Tayyib, arkan al-salah. Tafaddal. Non. Se tenir debout. Non, c'est pas toi qui fais ça. Tafaddal. Lève ta voix, comme ça, je n'ai pas à répéter. Se tenir debout. Tayyib. D'abord, il y en a combien les arkan? Tayyib, 14. Tafaddal. Se tenir debout. T'es sûr qu'il manque pas quelque chose? Al-Qiyam al-Qudra. Puis après, tu dis le Fatiha Mubasharatan? Tu te mets debout, tu lis le Fatiha. Ah, barakallah. Donc, Al-Qiyam al-Qudra, le fait de se tenir debout si on est incapable. Takbiratul Ihram. Qiraatul Fatiha. الركوع الاعتدال منه سجود الرفع منه والجلسة بين سجدتين الترتيب الطمأنينة لا سيرينيتي لابيزمون التشهد الأخير الجلوس له صلاة على النبي وتسليمتان أحسنت طيب يا مشي سنان الصلاة. Il a fait le plus gros morceau. Il y en a combien d'abord? Wajibat ou salam? Samaniya. Tayyib. Tayyib 8. L'ensemble des takbirat, à l'exception des takbirat ou l'ihram. Parce que les takbirat ou l'ihram, c'est un rukn. Les autres takbirat, c'est des wajibat. Ensuite? Mubasharadan? Et non, excuse-moi, non. Je croyais que tu avais sauté quelque chose. Tayyib, tafaddal. Donc le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim en record, combien de fois? La wajiba. Tayyib, ensuite, qu'est-ce qui est meilleur? Tayyib, il y a 3 fois ou 10 fois. Tayyib, ensuite? L'imam. Tayyib, donc, Samia Allahu liman hamida. Ensuite, Rabbana wa lakal hamd. Taïb, Rabbana wa lakal hamd pour tous. Ça fait 4. Subhana Rabbi al-A'la fi sujoud. Le fait de dire Subhana Rabbi al-A'la dans la prosternation. Fil jalsati allati bayna sajdatayn. Le fait de dire Rabbi ighfir li dans l'assise entre les deux prosternations. Ensuite, le premier tashahhud. Ajru sula. Le cinquième moyen, dawam ou zikrillah, le fait d'être constamment dans le rappel d'Allah. Le fait d'être quelqu'un qui fait constamment la mention d'Allah, le zikr d'Allah azza wa jal, fait partie des plus grandes causes qui permettent d'obtenir la paisibilité du cœur, l'épanouissement de l'âme, la paisibilité et l'élargissement de la poitrine, la dissipation de la tristesse, des angoisses et des afflictions, et ceci enlève les difficultés et enlève les pénibilités, et ceci survient par le dhikr d'Allah et le fait de s'orienter avec ferveur et véracité vers lui. Allah Azza wa Jalla a dit « Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub » Donc le verset de Surat al-Ra'd, le verset 28 mentionne « Et ceux qui ont cru, dont les cœurs s'apaisent par la mention d'Allah. Et certes, par le rappel d'Allah, c'est-à-dire par sa mention, s'apaisent les cœurs. Donc il convient pour le serviteur qui voudrait le bien pour sa personne d'être quelqu'un qui est abondant dans le zikr d'Allah, dans tous ses états et dans toutes ses circonstances. Sachant que on avait expliqué que le zikr était de deux. Qui peut nous le rappeler? Non. Le zikr d'évocation et le zikr d'invocation, je crois. La évocation et invocation, ça c'est un taxime qu'on a mentionné, mais ça c'est le maqsoud. Non. Le qulu wa bil lisan. Là. Je vous donne une des deux catégories, vous me trouvez la deuxième. Al-muqayyad. Non. Al-mutlaq. Donc il y a le dhikr qui est mutlaq et le dhikr qui est muqayyad. Le dhikr qui est mutlaq, c'est le dhikr qui est non spécifique, dans le sens où il n'est pas lié à un nombre particulier. Le dhikr al-muqayyad, c'est le fait de dire 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et ainsi de suite. Il y a des nombres particuliers à respecter. Tandis que le dhikr al-mutlaq, c'est celui que tu peux faire comme tu veux. C'est-à-dire que si tu es en train de travailler, tu es en train de faire une activité, mathalan, et tu veux faire le dhikr, tu peux faire le dhikr sans respecter un chiffre particulier. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu es fatigué? Change. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est le dhikr al-mutlaq. Ensuite, il y a le dhikr al-muqayyad. Concernant les modalités du dhikr, Cheikh al-Islam al-Qayyim dans Bada'i al-Fawa'id a dit qu'il y a trois manières de faire le dhikr. Le dhikr avec la langue, faqat. Le dhikr avec le cœur, faqat. Le dhikr avec le cœur et la langue, et ça, c'est le meilleur. Non. Ensuite, donc, le fait d'être abondant, c'est une bonne chose. Allah Azzawajal a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, udhkurullaha dhikran kathira. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, soyez abondants dans la mention d'Allah, c'est-à-dire dans le fait de faire son rappel. Et le contraire du zikr, ce que le zikr, c'est le rappel de par la mention d'Allah, qui te fait te rappeler d'Allah, qui te fait mentionner Allah, qui te fait penser à ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Dites du zikr, al-ghafla. Donc le contraire du zikr, du rappel d'Allah, c'est al-ghafla, c'est-à-dire l'insouciance. Et donc ça, ce sont des ténèbres qui recouvrent le cœur. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi une métaphore pour montrer la grande différence entre celui qui mentionne Allah et celui qui ne le fait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayy wal mayyit." C'est-à-dire que l'exemple de celui qui mentionne son Seigneur et celui qui ne le mentionne pas est similaire aux morts et aux vivants. Donc là, la comparaison est claire. Et justement, Ibn al-Qayyim, dans quel livre? Dans quel est le nom du livre dans lequel Ibn al-Qayyim a mentionné plus de 70 mérites du zikr? On l'a enseigné ici. Non. Al-Wabil al-Sayyib. Donc il a mentionné près de 70, entre 70 et 75 mérites du zikr. On en a vu à peu près une cinquantaine. Il nous reste à finir après Ramadan. Inch'Allah, on complétera notre étude de ce passage de ce livre. Et donc, le dhikr d'Allah est la meilleure des choses par lesquelles on peut passer son temps, et par lesquelles on peut préoccuper nos âmes, et dans lesquelles on peut passer des heures. Et avec le dhikr d'Allah, les cœurs s'apaisent, les cœurs des croyants s'apaisent, leurs âmes se tranquillisent, et leur certitude augmente, et leur foi en augmente également. Et le dhikr d'Allah est l'essence même de l'adoration, c'est-à-dire c'est ce dans quoi réside le bonheur. Et c'est la voie vers la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Car tout bien, toute forme de bonheur, toute forme d'apaisement, de sérénité, de tranquillité dans la dunya et dans l'au-delà est lié à ta concrétisation du zikr d'Allah. Et regardez comment le zikr d'Allah est un remède à lorsque l'on a la poitrine qui est serrée. Il reste 20%. Donc Allah Azzawajal a mentionné dans le Coran al-Karim, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. C'est-à-dire que donc nous savons que ce qu'ils tiennent comme propos serre ta poitrine. C'est-à-dire que tu en as la poitrine serrée de par ce qu'ils tiennent comme propos contre toi, ô Mohammed. Donc qu'est-ce qu'Allah Azzawajal lui a ordonné ensuite comme solution? Donc proclame la grandeur de ton Seigneur et proclame sa louange. Donc proclame la louange de ton Seigneur et sois du nombre de ceux qui se prosternent, c'est-à-dire de ceux qui font la prière. Et donc qu'est-ce que l'on peut tirer de ce verset? Qala al-'allamatu Sa'di rahimahullah. Hey, aksir min dhikrillah. Sois abondant et augmente dans la dans la mention d'Allah. Wa tasbihihi. Taïb, at-tasbih, qui peut nous expliquer le tasbih? At-tanzih. Ahsan. Le fait d'exempter Allah de toute déficience. Lorsque l'on dit subhanallah, comme nous avait enseigné un de nos savants en Égypte, Hafidhahullah, il nous avait expliqué que at-tasbih bima'na at-tanzih. C'est-à-dire que lorsqu'on dit subhanallah, nous sommes en train d'affirmer qu'Allah est exempt de défauts, de déficiences, de manquements, de faiblesses. Donc nous sommes en même temps en train d'affirmer quoi? La perfection d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une faïda que notre cher Khalid al-Dhafiri nous avait enseignée dans son explication de l'Ummat al-I'tiqad, que lorsque l'on nie des défauts ou des faiblesses à Allah, ça veut dire qu'on applique et qu'on affirme la perfection de ce qui est antagoniste à cela. Donc ce verset mentionne, Yannick a comme leçon, « Ey akthir min zikrillah, sois abondant et augmente dans le zikr d'Allah, wa tasbihihi, dans le fait de faire son tasbih, le fait de dire subhanallah, wa tahmidihi, dans le fait de proclamer sa louange. » Et on avait vu que la louange d'Allah, elle est faite pour quoi? Pourquoi la louange est due à Allah? Taïb, pour ce qu'il est, pour son essence, pour ce qu'il fait. Taïb, par rapport à yani sifat al-zatiya ou al-fi'li. Taïb, Ahsant. Ahsant Touma. Taïb, wa tahmidihi wa salah. Donc, il augmente dans la proclamation de la louange d'Allah et la prière. Fa inna dhalika yuwassi'u sadr. Donc, le fait de faire le zikr d'Allah, de proclamer sa grandeur, de proclamer sa perfection, de faire sa louange et de prier, ceci élargit et épanouit la poitrine. وَيَشْرَحُهُ. Donc ceci élargit la poitrine et lui permet d'être épanoui. وَيُعِينُكَ عَلَى أُمُورِكَ. Et ceci t'aide concernant tes affaires. Taïb, le sixième moyen. Le sixième moyen, الْإِحْسَانِ لَعِبَادِ اللَّهِ. Le fait d'être bienfaisant à l'égard des serviteurs d'Allah, c'est-à-dire d'être bon envers les créatures. Donc, le fait d'être bienfaisant envers les créatures, ceci peut se faire de différentes manières. Ça peut être par des choses perceptibles ou des choses conceptuelles. Conceptuelles, c'est-à-dire des choses perceptibles par le fait de donner de l'argent, de donner de la nourriture. Ça, c'est l'irsan qui est perceptible par les sens, c'est-à-dire que tu peux toucher. Mais comment je peux t'aider et être utile et bienfaisant envers toi de manière conceptuelle? C'est-à-dire par quelque chose qui n'est pas perceptible par les sens, par le fait de t'enseigner le savoir. T'enseigner le savoir, c'est quelque chose que je te donne, mais est-ce que c'est quelque chose que tu attrapes? Ce n'est pas quelque chose que je te donne comme ça. Mais je te donne quelque chose. Je te donne quelque chose qui est plus précieux. Et le prophète, dans un hadith, a dit « Offrez-vous des cadeaux, ceci vous fera vous aimer les uns les autres. » Et ça englobe le cadeau perceptible par les sens et le cadeau imperceptible. C'est-à-dire que donc, donnez-vous des cadeaux. Un musc, un kamis, une voiture, mashallah. Et il a akhiri. Et également, donnez-vous des fawa'id, des enseignements bénéfiques. Vous avez étudié yani Aqidatul Wasitiyya de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah avec un alim ou avec un cheikh, tu donnes la faïda. Tu as étudié le matin de l'intégrat, tu as une faïda. Et remarquez que celui qui vous donne des cadeaux, que ce soit des cadeaux physiques ou celui qui vous donne des fawa'id, souvent c'est pour celui qui aime le din, la personne la plus aimée à ton cœur. Celui qui a toujours une faïda à te donner. Allahumma barak fina. Taïb. Donc justement, قال الله سبحانه وتعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. Soyez bienfaisants, Allah aime ceux qui sont bienfaisants, ceux qui font le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith est un peu long, il est rapporté dans le sahih de l'imam Muslim. On va l'analyser morceau par morceau. Donc man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurab ad-dunya, nafasa Allah 'anhu qurbatan min qurab yawm al-qiyamah. Donc celui qui soulage un croyant d'une tristesse parmi les difficultés de ce bas monde, alors comme les ulémas ont dit, al-jaza min jins al-amal. C'est-à-dire que la rétribution sera de la nature de l'œuvre. Donc de ce fait, si tu soulages l'individu dans cette dunya d'une tristesse, d'une affliction, d'une calamité qui l'affectait, qui l'affligeait dans ce bas monde, Allah te soulagera d'une affliction, d'une tristesse et d'une difficulté, yawm al-qiyam. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et quiconque aura fait preuve de facilité quant à quelqu'un qui était pauvre, ça c'est dans le domaine des dettes. Par exemple, la personne, elle doit de l'argent. Par exemple, quelqu'un me donne de l'argent. Je sais qu'il est dans une difficulté financière quant au fait de me rembourser. Je lui laisse des délais supplémentaires. Je ne lui mets pas la pression. Je lui facilite. Je lui facilite, je lui prolonge le délai. Donc, celui qui agit comme ça, en facilitant quelqu'un qui est dans une difficulté, Allah lui facilite. Fi dunya wal-akhirah. Waman satara musliman, satarahu Allah fi dunya wal-akhirah. Et celui qui aura caché les fautes d'un croyant, alors Allah le cachera ses fautes dans ce moment et dans l'au-delà. Wallah, et soyez attentif à ce point-là. Wallahu fi auni l'abdi, ma kana l'abdu fi auni akhi. C'est-à-dire, Allah n'aura de cesse de venir en aide à son serviteur tant que son serviteur n'aura de cesse de venir à son frère. Cheikh al-Islam al-Qayyim a dit que concernant cette partie de ce hadith, il savait que son cher, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, n'avait de cesse de chercher qui étaient les gens qui avaient besoin d'aide. Parce qu'il savait qu'en concrétisant l'aide aux autres, il obtiendrait l'aide de son Seigneur. Taïm. Le septième point, Al-Shaja'a, le fait d'être courageux. Parmi les choses qui aident à épanouir la poitrine, à être quelqu'un qui est apaisé, qui est épanoui, le fait d'être courageux. Justement, les gens de science ont expliqué que Al-Shaja'a, le fait d'être courageux, ceci a un impact grandiose concernant la paix du cœur. La paix du cœur et l'apaisement et l'épanouissement de l'âme. Il y en a contrairement à le fait d'être un couard, d'être quelqu'un qui est un peureux. Non. Car en vérité, la personne qui est peureuse a peur de tout. Et donc cette personne-là n'est pas apaisée, elle n'est pas épanouie. Les gens qui ont peur de tout sont toujours apeurés, sont toujours angoissés, sont toujours en train de redouter quelque chose. Et donc, Ash-Shaja'a, donc le fait d'être courageux, ceci a un impact dans la force de la foi et dans le fait d'avoir un bon lien avec Allah Azzawajal. C'est-à-dire, le fait que la personne, plus elle augmente en foi, et plus ça... Attendez une seconde. Plus la foi du serviteur augmente, plus son lien avec Allah est fort, plus son courage augmente. Et ça me rappelle une parole de Cheikh Moukbil. Car justement, Cheikh Moukbil ibn Hadi, al-Wadi'i, avait dit que celui qui a peur d'Allah, Allah fera que les créatures ont peur de lui. C'est-à-dire qu'il n'aura peur de personne sauf d'Allah. Mais celui qui n'a pas peur d'Allah aura peur même de son ombre. Donc la personne, plus il augmente en foi, plus son lien avec Allah se renforce, plus son courage augmente, plus son cœur se renforce. Et ceci est une cause de bonheur et de l'épanouissement de sa poitrine. Et Allah Azzawajal a mentionné concernant le sujet de la peur dans sourate Ali Imran, le verset 75. Innama dhalikumush shaytan yukhawwifu awliya'ah. Et ceci n'est que le diable qui cherche à vous faire redouter ses partisans. Et n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il demandait le refuge auprès d'Allah contre al-jubn ou al-bukhl, contre le fait d'être peureux et contre le fait d'être pingre, avare. Non, car ce sont des choses qui ont des effets négatifs et néfastes sur la personne, notamment sur l'épanouissement de la poitrine. Le huitième moyen. Donc le fait de s'écarter et de se prémunir de ce qui provoque les maladies du cœur. Car les choses qui provoquent la maladie du cœur et qui l'affectent de façon négative sont multiples. Le cœur tombe malade. De la même manière, là on parle du cœur dans un point de vue spirituel. Donc le cœur tombe malade tout comme le corps tombe malade. Et justement, les maladies du cœur ont un impact énorme sur celui qui en est affecté. Comme les maladies comme al-hasad, la jalousie, ou al-ghil, la rancœur, ou al-hiqd, l'animosité, ou ghayriha min al-marad al-qalbiyya. Et on avait mentionné qu'il y avait deux grandes maladies parmi les maladies du cœur. On y est encore. Non. طيب كل الرماد كل كم هو ربوس الشبهات وكم هو ربوس الشهوات طيب العلم هو الأصل mais il provoque deux choses qui permettent de repousser يعني j'ai failli dire la réponse franchement الشبهات والشهوات نعم الصبر إيه بصبر فقط الصبر واليقين. Donc, Cheikh Saadi avait dit, يعلم هديت أن أفضل من علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويصل العبد إلى المطلوب فاحرص إلى فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لتستقي في العلم خير مرتقى وتقتفي السبل الذي قد وفق. الشاهد سيعلم ساش هديت كلا قدام سوى أكوردي أن أفضل من que le plus grand des bienfaits, c'est ilmun de la science, yuzilu anka shakka wad-daran, qui enlève de toi ash-shak, le doute, ça c'est les shubuhat, wad-daran, ad-daran, dans ce contexte-là, c'est un synonyme du péché. Ça c'est les shahawat. Et donc, les shahawat, les pulsions vers l'illicite, on les repousse avec un sabr, par le fait d'être patient. Et les shubuhat, les doutes, les ambiguïtés dans la religion, on les repousse bil-yaqin. Et qu'est-ce qu'on concrétise et à quoi on parvient par le sabr wal yaqin? L'imam. L'imam a tout fait din. Et Allah a mentionné, nous fîmes deux, des imams qui guidaient par notre permission, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Lorsqu'ils ont été endurants et qu'ils étaient certains quand ça, nos versets. Donc, quant à celui qui aura été préservé de ses maladies, et dont le cœur aura été rempli de l'inverse, c'est-à-dire d'émotions positives, de choses qui sont bonnes pour le cœur, comme la véracité, et ainsi de suite. Donc ceci aura un impact sur la paisibilité du cœur, l'épanouissement de la poitrine. Quand la Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, fi kitabihi amrad al-qulub wa shifa'uha. Donc, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre concernant les maladies du cœur et la guérison de ces maladies, a dit « Wal Qur'an shifa'un lima fi soudour » et donc le Qur'an est une guérison, est un remède pour ce qu'il y a dans les poitrines. « Wa man fi qalbihi amradu shubuhat wa shahawat » et pour quiconque aurait dans son cœur les maladies, des ambiguïtés et des pulsions illicites. « Fa fihi min al bayyanat » car il y a dans le Coran des clarifications et des éclaircissements, ma yuzilu al-haq min al-batil, ce qui permet de distinguer la vérité du faux. Fa yuzilu amrad ash-shubha al-mufsidati lil-'ilm. Donc ceci dissipe et remédie à la maladie de l'ambiguïté qui est une corruption liée au savoir. Wa tasawwur wal-idrak, qui est une corruption liée au savoir, à la perception des choses et à la compréhension. Car le fait que le Coran lui permet de voir les choses d'une perception qui est conforme à la réalité. Naam. Le neuvième moyen, le neuvième sabab, tark fudul al-umur. Ça va piquer un petit peu. Famin asbab inshirah al-sadr, siyana tul-lisan an fudul al-kalam. وصيانة الأذن عن فضول الاستماع وصيانة العين عن فضول النظر. Je vous ai dit, ça va piquer un peu. Le fait de délaisser les choses superflues, le fait de trop parler, le fait de trop entendre, le fait de trop regarder. Donc le fait de préoccuper sa personne et son cœur par les choses superflues, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas prioritaires, les choses qui ne sont pas importantes, alors ce sont des choses qui vont causer du tort au serviteur. Et les choses importantes, ce sont des choses dont découle ou dont dépend, bi'idhnillah, le bonheur, la réussite et la rectitude dans cette dunya ou dans l'au-delà. Donc le fait de délaisser les choses qui ne sont pas de cet ordre-là, donc tout ce qui est superflu, ceci a un impact dans la vie de l'être humain. Car le fait de se préoccuper des choses superflues impacte l'état du cœur et provoque l'étroitesse de la poitrine. Et justement, parmi les choses par lesquels les gens ont été éprouvés, le fait de trop regarder les téléphones, de trop regarder les téléphones et de tourner les pages, de tourner les pages des mawaqi'a, des pages des réseaux sociaux, des sites internet, etc. Afin de regarder des choses qui sont superflues. On regarde des choses, on peut passer sa journée sur TikTok, les shorts de YouTube, et j'en passe. Ça n'a aucune importance, ça n'a aucun, on n'a aucun besoin. Au début, tu te dis, c'est 30 secondes, c'est 10 secondes, mais 2 heures plus tard, tu es encore dessus. Des TikTok d'une minute, des snaps, ça dure quelques secondes, mais accumulé chaque jour, je ne sais pas s'il y a un compteur sur ces applications, mais s'il y aura un compteur, je pense que ça dissuaderait beaucoup de gens. Il y en a? Subhanallah. Il faudrait qu'on sache comment le trouver, justement, pour que ça nous calme tous. Allahu musta'an. Et justement, donc ça, c'est fudul al-umur. C'est des choses qui sont superflues et qui sont des choses qui font perdre le temps. Tu montreras, inshallah. Le dixième moyen. Sachant que, regardez, attendez, inshallah, j'aimerais aborder un peu plus concernant al-lisan. Al-lisan, on a abordé ça hier. On avait abordé, Yanni, de ce sujet hier. J'avais mentionné qu'il y avait 3 types de paroles. Qui peut nous le rappeler? Non. T'as l'ambigu, on en fait quoi? Non. En vertu du hadith où le prophète sallam avait dit, Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umurul mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Faman ittaqa ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشيك أن يرتع فيه الحديث. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a expliqué que le halal est clair. Ça c'est les bonnes paroles rentrent dedans. Tu as des bonnes paroles à dire, dis-les. وإن الحلال وإن الحرام بين. Le haram est clair. Le haram, tu veux dire quelque chose de haram? Abstiens-toi. وبينهما أمور المشتبهات. Dans une autre riwaya, متشابهات. Donc des choses dont le jugement est équivoque. Rentre dedans les paroles dont tu ne sais pas si elles sont bonnes à dire ou pas. Abstiens-toi. Et le prophète sallam avait dit, Man samata naja, celui qui se tue, il est sauvé. Et un des salaf salih avait dit, Al-kalamu ribh wa samtu naja. La parole est un gain et le silence est une salvation. Le dixième point. Husni tiba' al-Nabi al-Karim alayhi salatu wa salam. Le fait de suivre la sunna du prophète, le fait de suivre sa voie, de le prendre comme exemple, ça fait partie des plus grandes causes d'inshirah al-sadr, de parvenir à l'épanouissement et à l'apaisement du cœur. En vérité, tous les éléments qui ont été mentionnés à ce sujet, c'est-à-dire au sujet de l'épanouissement de la poitrine, se trouvent dans le suivi du prophète. Car tout ce qu'on a mentionné comme asbab, c'est dans la sunna du prophète. Tout y est. Qui peut nous rappeler les 5 points que comporte la sunna? Attends. Mentionne ce que tu peux. Ce que tu ne peux pas faire en entier, tu ne te laisses pas en entier. Ce que le prophète Hassan m'a dit. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a approuvé. C'est ce qui a été relevé dans son comportement. Dans son comportement, il manque un. Attends. Description. Sa description comment? Oui. Ah, sainte. Donc, toute la sunna, ça c'est la définition de la sunna, عند المحدثين. C'est tout ce qui a été rapporté du prophète sallam comme acte, comme parole, comme approbation, comme description physique et comportementale. Non. Et donc, le prophète sallam, il a été dit le concernant, Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous donc pas élargi ta poitrine? Donc, l'exemple du prophète sallam, il y a en cela, dans le fait de l'imiter, dans tous les aspects de sa vie, les causes quant à l'élargissement de la poitrine. Qala ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, wal maqsoud anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana akmal al-khalqi fi kulli sifatin yahsulu biha inshirah al-sadr. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que l'objectif derrière ce propos-là, c'est le fait que le messager d'Allah était la plus parfaite des créatures dans la concrétisation, c'est-à-dire qu'il était le plus abouti quant au fait d'avoir les caractéristiques qui mènent et qui permettent de parvenir à l'épanouissement de la poitrine. C'est-à-dire que chaque caractéristique qui permet de parvenir à l'épanouissement de la poitrine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait cette caractéristique-là sous la forme la plus parfaite et la plus aboutie. Donc en limitant, tu concrétises en soi, par cet acte-là, tout ce qui te permettra d'obtenir le bonheur, l'épanouissement de l'âme, la paisibilité du cœur. Non. Et il y a un autre aspect un peu plus loin dans cette situation, parce que cette citation est un peu longue. Il dit « Wa akmalul khalqi mutabi'atan lahu akmaluhu min shirahan wa ladhatan wa kurrata aynin wa ala hasabi mutaba'atihi yanalul abd min shirahi sadrihi wa kurrati aynihi wa ladhati ruhihi ma yanal. » En résumé, c'est-à-dire que plus la personne sera aboutie dans sa conformisation à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus il sera abouti dans l'épanouissement de sa poitrine. C'est-à-dire que la personne qui aura le plus grand épanouissement de la poitrine, le plus grand apaisement de l'âme, le plus grand bonheur, ce sera celui qui aura le plus imité, le mieux imité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ceci, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Barakallahu feikum. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et Inch'Allah, demain, l'assise portera, parce qu'on m'a fait transmettre la question, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas attendre jusqu'à demain, et ont demandé justement le sujet de la thématique de demain soir. Demain soir, Inch'Allah, nous aborderons 10 masaïles importantes concernant Arkam Zakat al-Fitr. Car de par la miséricorde d'Allah, Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'expier les fautes et les manquements et les frivolités qui surviennent dans notre jeûne par le fait de sortir une zakat al-fitr en nourriture ou en argent. En nourriture. Et Cheikhouna Cheikh Khalid avait attiré l'attention sur un aspect. Et ça, c'était un aspect qui m'avait fait doucement sourire. C'est-à-dire que quand il s'agit de zakat al-mal, qu'on sort en argent, les gens, des fois, ils posent la question, est-ce qu'on peut la donner en nourriture aux pauvres? Parce qu'on a peur que si on lui donne l'argent, il ne gère pas bien l'argent. Donc quand il s'agit de zakat al-mal, qu'on doit donner en argent, ils veulent donner en nourriture. Et quand il s'agit de zakat al-fitr, qu'il faut donner en nourriture, et les gens ils disent, est-ce que ce n'est pas mieux pour le pauvre de lui donner en argent? Subhanallah, au lieu de suivre la sharia, à chaque fois, il y a quelque chose. Allahu Akbar. Ce sont que, comme on l'avait mentionné, les a'imma al-arba'a, c'est-à-dire l'imam Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit, l'imam Abu Abdillah, Malik ibn Anas, l'imam Abu Abdillah, Mohamed ibn Idris al-Shafi'i, l'imam Abu Abdillah, Ahmed ibn Mohamed ibn Hanbal, les quatre sont unanimes sur le fait que si tu sors ta zakat al-fitr en nourriture, azza'at. Il y a ijma. Ils sont tous d'accord. Tu sors la zakat en ta'am, c'est bon. Par contre, en argent, Abu Hanifa a dit que c'est bon. Les trois autres, ils ont dit que ça ne passe pas. Pourquoi délaisser la sunna et te mettre en danger pour une parole marginale? Sachant que souvent, il y a des gens, ils sont des fiers de leur madhab. Là, d'un coup, ils quittent leur madhab pour aller vers le madhab des Hanafiyyah. On n'a rien contre les Hanafites. Cependant, là, pour une fois, votre madhab, cette fois-ci, votre madhab, il est en conformité avec la sunna, clairement, au lieu de suivre le madhab parce qu'il est sur la sunna, vous voulez suivre quelque chose d'autre. Donc, Inch'Allah, on verra le tafsil concernant Zakat al-Fitr, Inch'Allah, dans l'assise de demain soir. Est-ce qu'il y a des questions ailleurs? Pardon.